elle résiste au climat ainsi qu'à tous les pesticides. La merde c'est de l'engrais, la graine y pousse plus vite. Et quand elle est mauvaise, elle fait souvent des coups stupides. Mais pourvu qu'elle encaisse avec le goût du risque, pourvu que tous les ennemis détalent avec les couilles humides. C'est la fleur de bitume qui pousse à l'ombre des bâtiments. Elle se nourrit de cash, aussi de la peur des habitants. Elle en a marre, elle dépérit pratiquement. Elle attend d'être un arbre ou bien elle attend l'acquittement. Avec des tanges, elle évolue dans une poubelle étrange. Elle a courbé les hanches souvent parce qu'on lui a coupé les branches. Trouer les tempes pour aller retrouver les anges. Chapper pour l'événement et son passe-temps c'est de troubler les gens. Émergente, donne-lui du bif pour qu'elle s'épanouisse. Énervée pour la sentir, les condés s'accroupissent. C'est la routine entre vice et perfidie. Elle se démène en vain pour que sa terre se fertilise. Fleur de bitume est une crapule. Les gens ne la regardent plus, personne ne la congratule. Elle évolue entre des ronces et des cactus. Elle vit dans une forêt d'emmerdes, des galères avec un bac plus. Elle veut la thune, alors elle pousse de travers. Quand elle parle, elle dérange, alors la fleur se la ferme. Et pourtant, c'est la forme, moi son cœur bat si fort. Pour les autres, elle est hardcore, car la fleur est carnivore. Elle pousse parmi vous, on l'arrose d'informations. Des fois belle comme la rose, un produit d'importation. Elle supporte la pression, pourtant la fleur est fanée. Les deux pieds collés au sol, mais elle rêve de s'évader. C'est la fleur de bitume qui pousse à l'ombre des bâtiments. Elle se nourrit de cash, aussi de la peur des habitants. Elle en a marre, elle dépérit pratiquement. Elle attend d'être un arbre, ou bien elle attend l'acquittement. C'est la fleur de bitume qui pousse à l'ombre des bâtiments. Elle se nourrit de cash, aussi de la peur des habitants. Elle en a marre, elle dépérit pratiquement. Elle attend d'être un arbre ou bien elle attend l'acquittement. Confondu dans une masse de prolos qui se lassent de courir en l'est, tandis qu'on laisse nous salir la presse. Chaque jour on encaisse peu d'allégresse, seulement des délits de faciès. Que je sois dans ma caisse ou quand je passe à la caisse, je suis aux aguets, je vois les condés des cadences affolées. Si j'ai pas pu me faufiler, car à chaque contrôle c'est des bracelets, puis j'ai AVC. 24 heures cachées, puis compas immédiat après. Ne crois pas que c'est ton baveux commis d'office qui va se bouger. Prépare-toi à tomber si t'es sous contrôle judiciaire. Si le juge est mal luné, sois calme et n'insulte pas sa mère. Même si t'es sur des nerfs, même si la menthe est chère, même si la peine est lourde, je te comprends, y'a quoi être vert. Pour un contrôle de merde, pauvre stick, ça dégénère. Pour ta gueule de métèque au tribunal, tu as pris cher. C'est dans l'air de nos jours, les bas années ne valent pas cher. Pour ta gueule de métèque au tribunal, tu as pris cher. C'est pour moi, c'est la même, nos libertés se vendent aux enchères. C'est dans l'air de nos jours, les bas années ne valent pas cher. C'est j'en chope un ulcère, serait frère, on incarcère, mais fier. C'est juste un brin de haine à travers des litres d'encre. J'ai le cœur glacé comme un putain de mois de décembre. Regarde autour de toi et ne nous reste que des cendres. C'est la guerre partout, mes frères ne pensent plus qu'à se descendre. On vise sur l'offensive, donc on pense plus qu'à se défendre. Le temps il passe trop vite, faudrait commencer par se détendre. On roule pas sur l'or, donc certains finissent par se vendre. Et d'autres dans leur folie commencent direct même par se pendre. Je préfère crever d'une balle que finir même par me rendre. Je sais c'est pas facile et puis c'est très dur à comprendre. Suffit d'un brin de haine pour ne plus avoir le temps d'attendre. C'est toujours les plus durs qui ont le cœur le plus tendre. Pour ta gueule de métèque au tribunal, je suis appris cher. T'sais, pour moi c'est la même, nos libertés se vendent aux enchères. C'est dans l'air de nos jours, les bas années ne valent pas cher. T'sais, j'en chope un ulcère, serait frère, on incarcère. Le rap est mon tuteur, dans mes écrits ma pudeur. Mes couplets, ma douleur, gratter peu importe la couleur. Mes versets, leur aigreur, ne sont que le fruit de leurs erreurs. Je vais rapper, peu importe l'heure, pour plaider la cause des frères et sœurs qui doucement se meurent, rêvant d'être auteurs d'une vie novatrice. Ne sont figurants, fions dans la matrice. Effarés, deviennent prédateurs. Voix, cette actrice, la justice n'est qu'une la matrice. Tu profites, c'est triste, votre police assassine. Votre justice est raciste, et fist, fucking fasciste. Et pisse sur la justice. Votre police assassine, votre justice est raciste. Et fist fucking fasciste sur votre justice, je pisse. Pour ta gueule de métèque au tribunal, je as pris cher. T'sais, pour moi, c'est la même, nos libertés se vendent aux enchères. C'est dans l'air de nos jours, les bas années ne valent pas cher. T'sais, j'en chope un ulcère, serait frère, on incarcère. Pour ta gueule de métèque au tribunal, je as pris cher. T'sais, pour moi, c'est la même, nos libertés se vendent aux enchères. C'est dans l'air de nos jours, les bas années ne valent pas cher. T'sais, j'en chope un ulcère, serait frère, on incarcère. Brah, la police ou la balle meurt des innocents, oui. La police, nos frères baignent dans des mares de sang. Martyrs à cran sous les coups des régiments. Oui, brah, la police avant que nous emporte le temps. Brah, la police ou leur balle meurt des innocents. Oui, ra, la police, nos frères baignent dans des marques de sang. Martyr à cran sous les coups des régiments. Oui, ra, la police avant que nous emporte le temps. Votre police est raciste, votre justice assassine. Fils des feuquillons fascistes, sur votre justice je pisse. Votre police assassine, votre justice est raciste. Fils des feuquillons fascistes, sur votre justice je pisse. Pour ta gueule de métèque au tribunal, je suis appris cher. C'est pour moi, c'est la même liberté, se vend aux enchères. C'est dans l'air de nos jours, les basanés ne valent pas cher. C'est j'en chope un ulcère, c'est les frères en incarcère. Bra, la police, bra, la police, bra, la police, ou leur balle meurt dans une sang. Bra, la police, nous fabrique dans des marques de sang. Allez, voilà, je rappelle, on est en direct du CSA, le centre social autogéré de la Créa. Voilà, on vient d'entendre une prod là à l'antenne. En fait, c'était mine de rien comme ça dans la playlist, c'était une big exclue là. C'est passé en cred. Voilà, c'est passé en scred, nickel. Voilà, décadence, c'était un son de décadence et de Setenza pour le projet de la mixtape L'Arsin Assassin, qui va bientôt sortir dans les bacs d'ici un mois ou deux. Et voilà, ça, le titre que vous venez d'entendre, c'est Police, Justice, Raciste. Police, Justice, Raciste, ça va bien avec le thème de soir. Je pense que ouais, ça colle bien au thème de soir, surtout aux actualités. Quoi. C'est fraîchement enregistré, ça a été enregistré mardi. Alors, la première diffusion sur les ondes, merci Canal Sud. Yes. Ça, il y aura d'autres trucs aussi là qui vont sortir ou quoi, vous allez continuer les prods. Il y en a encore d'autres là qui ont déjà été préparés là. Bon, ce soir là on va laisser la place un peu sur le concert punk, mais demain vous aurez l'occasion d'entendre là tous les sons qu'on a déjà enregistrés. Parce que là vous jouez en live demain, quoi, c'est ça? C'est ça. Là demain je joue en live. Vas-y, vous allez jouer en live demain. Demain on fera une belle petite prestation de ce qu'on est en train de créer là à l'heure actuelle. Yes. De notre petite mixtape qui s'appelle L'Arsène Assassine. L'Arsène Assassine. C'est ça, c'est ça. L'Arsène Assassine. Ouais, L'Arsène Assassine, bien sûr. Yes. Non, c'est moi, je suis un peu décalé ce soir, je suis fatigué. Y a pas de problème. Mais ouais, voilà, c'est un peu le projet de la mixtape qu'on est en train de monter avec mon collègue Décadence. Donc, et il y a des sons, des ego trips et des sons plus sérieux qui vont sortir et des textes engagés. Ouais, on essaie de toucher un peu à tout. Dans l'écriture, on essaie de toucher un peu à tout, comme dans l'ego trip, comme dans la manière de pouvoir être engagé, déterminé, on va dire, de pouvoir dénoncer ce qui va et ce qui va pas, d'avoir les roubignoles, d'aller jusqu'au bout. C'est très important, je pense. Surtout pour des gens qui aujourd'hui n'ont pas la parole de pouvoir se faire entendre, c'est ça le pire. Yes. C'est donc que ils ont la parole mais on les écoute pas, ces gens. Voilà, donc là les ondes là, franchement, les ondes là sur Toulouse, Canal Sud, par exemple, et d'autres radios comme ça, un peu libertaire, ça va, laisse des temps de parole, un peu des audimates demain. Et B-Boy conscient aussi là, vas-y, B-Boy conscient aussi là, parce qu'ils sont en train de diffuser aussi sur toute la France en web radio là. B-Boy, il y a pas de Toulouse, donc voilà. Merci, ouais, merci Paname, ça est diffusé. Merci la famille. Voilà, ça tourne partout en France, voilà, demain branchez-vous sur les mêmes ondes. Voilà, et voilà, et à partir de 16h sur B-Boy Conscient, on fera un plateau radio ici. Vous viendrez aussi pour nous parler de vos prods, tout ça. On reviendra un peu plus en détail. On sera exactement là. Voilà, ce soir c'est soirée punk et là le concert ce est en train soir, de commencer. C'est plus punk que hip-hop, voilà. Mais laissez au kiff. Laissez demain, la place là. Au kiff, comme on dit. Yes, I, mais d'ici demain on sera présent aussi. Yes, I, voilà. Vous serez voilà. Avec nous sur le plateau. Soir. Voilà. Allez, vas-y, on va partir sur le concert de ce soir. Donc en ce moment, il y a Medef Ina Babylone qui est en train de commencer. On va laisser la place au concert. Donc en direct, je le rappelle, du CSA, Centre Social Autogéré de la Créa. C'est 71 boulevard de la Marquette. C'est le métro Canal du Midi. Putain, j'allais dire Canal Sud. Non, c'est le métro Canal du Midi. Vous marchez un petit peu le long du canal en direction des Ponts Jumeaux, ce sera sur votre gauche. Donc voilà, ce soir, soirée punk. Donc je le disais, Medef Ina Babylone qui vont commencer dans quelques secondes. Ensuite, il y a Varlin, il y a Gaddafi's Brothers, il y a Disparate Faritas. Donc c'est du punk de Toulouse, du Pays Basque. Et on va rejoindre tout de suite le plateau de l'autre côté, je sais pas trop où ils en sont. Voilà, yes, on entend un petit peu les gens discuter derrière. Apparemment, le son n'a pas encore commencé. Si, ça y est, ça commence à venir. Ok. Ok, apparemment on a un petit problème technique de l'autre côté, je vais aller voir ce qui se passe, on se retrouve derrière, je remets un petit peu de son qui vient de notre playlist perso et on va se retrouver avec du son normalement, tout va bien se passer. Ok, on honore nos morts, les tatouages. Par des graves, des sommoirs et des tatouages. Des textes de barge trop virulents. M'invite pas en fit, c'est un gros mi-puant. Rap tonitruant. On est trop dans la caisse, elle penche au virage. Comme mes panchos, Villa Bicrave, ils pensent au village. Ouais, mais ils pensent aussi à la plage, au bord du manchot. Un vrai bandit arrive à te vendre des moufles à un manchot. On défraie la chronique comme Sarko et Carla. On vous rend le drapeau et Carlate, le braco, c'est par là. Les compacts, c'est Swiftgard et Alka. Il pleut des deux tard comme Plata, on n'est pas venu faire Plata. Tu t'en pas, hein, connard. Ça sert à rien d'être bon. C'est toujours les pourris qui gagnent. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu chies déjà dans ton froc? Le regard perçant. On écrit des textes vexants. Bois du whisky tous les jours comme un texan. On se faufile sous les genoux comme des serpents. On profite, on fout des bouffes quand notre sexe bande. Le regard perçant. On écrit des textes vexants. Bois du whisky tous les jours comme un texan. On se faufile sous les genoux comme des serpents. On profite, on fout des bouffes quand notre sexe bande. Yes. Donc en fait, il n'y a pas de problème technique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de problème technique. C'est juste que le concert n'a pas encore commencé. Je vous demanderai d'être un petit peu patient. Medef in a Babylon, un groupe punk de Toulouse qui va jouer, qui va ouvrir un petit peu la soirée de ce soir. Donc en attendant, on écoute un peu du rap, du Swift God. Et puis la soirée punk va bientôt commencer en direct du CSA, le centre social autogéré de la Créa, la campagne de réquisition d'entraide et d'autogestion à Toulouse. Donc on est en direct, je le rappelle, sur B-Boy Conscient, la web radio parisienne, mais aussi d'ailleurs plutôt orientée hip-hop. Et en direct également sur Canal Sud à Toulouse, 92.2 FM, ça c'est sur la bande FM. Et donc voilà, le concert de punk en soutien à la caisse d'anti-répression de la Créa est sur le point de commencer. On patiente un petit peu en attendant les premiers groupes. Stressé, anxieux, blessé, je marche seul, vexé, je prends le seum. Le respect transforme en crainte. La gentillesse en faiblesse, laisse une empreinte. Éphémère dans ce business, baisse les contraintes. Les choses se passent, ouais, je me comporte en bon prince. Je mise godasse, je trop max dans mon pince. Petite chaudasse, t'es trop max dans ton linge. Mon son se propage, je mets pas de flotte dans mon humble ami. Le rap humble, tu veux mon humble avis? Fais vite le plein, ça va pas durer toute la vie. J'ai un album à faire, une vie à faire, des sous à faire. Avant de cette berge, les temps voir plus loin que le bout de sa verge. Le rap dégoûte sa mère, c'est rempli de mouches amères. Ton move j'asperge, je remplis toutes les bouches asperges. Hein, certains mecs tuent, sinon le reste pue. Laissez-moi loin de tout ça, ça m'intéresse plus. Le regard perçant, on écrit des textes vexants. Bois du whisky tous les jours comme un texan. On se faufile sous les genoux comme des serpents. On profite, on fout des bouffes tant que notre sexe bande. Le regard perçant, on écrit des textes vexants. Bois du whisky tous les jours comme un texan. On se faufile sous les genoux comme des serpents. On profite, on fout des bouffes tant que notre sexe bande. Sous les barreaux c'est dédicacé. Quoi de neuf frangin, tu sais, je pense à toi. Tu te souviens d'Amine? Il y a un an qui s'est fait cueillir. Sa mère flippe, m'accuse d'avoir fait d'elle un vampire. Elle me dit que toutes les nuits elle ferme plus l'œil. Merde, j'ai rien à voir. Je sais que pour elle c'est comme un cauchemar. Jour après jour sans cesse son gosse qui demande son retour. Hélas, pas de réponse, juste l'attente du fameux jour. Elle n'a pas encaissé le choc, son fils est incarcéré. Elle en a plus qu'assez d'attendre, Dior, ça doit la rendre cinglée. La rue lui monte, ses ennemis sortent de leur planque. La place que j'ai pour lui dans mon cœur pèse plus que des coffres de bombes. T'imagines même pas toutes les vibes qu'on a pu vivre ensemble. Quand j'y repense, c'est la nostalgie qui font que mes mains tremblent. Yeah. Je te parle d'une véritable amitié. Avec honnêteté, dès ton retour, je serai là. Du fond du cœur, c'est dédicacé.

authentique se concrétise par le biais de ma musique en constante évolution. La magie de mon inspiration justifie ma création, telle est ma fonction. Laisse-toi percer par mes vers, sors de ton enfer. J'ai le nécessaire en verre pour faire changer ton atmosphère. Mes codes vocales contrôlent les sens de ton esprit. Le vent se lève, le soleil brille, jamais ton énergie. Jamais ton énergie branche ton poids, écoute ma voix qui surgit. J'offre au corps, jugement, des consciences et psychologie. Accorde tes proches, dis-leur que je comprends le mal qui fugit. Mais crée mon âme et mes strokes, comparer ce qui me plagie. Je laisse mes boss, mes hip-hop, royaumologie, ma régie. Vite tes poches, je reprends ce qui m'éduque sans pédagogie. J'parle de corps, de voix, de talent, c'est de ça qu'il s'agit. J'tape les toffes, même si je parle comme le magie. Avant de gaspiller ton argent, salive, énergie, tu vois émerger le flux de sentiments immergés. Qui a coulé beaucoup d'encre, fait paniquer de rap RG. Les étorgies, le hip-hop pour l'étargie, sort de sa misère et que le rap nous étargie. Pour montrer argent, qui ont vivé tous de l'argent, et aussi à la langue d'argile, finissent tous un jour par geler. L'art de manier le mic ne meurt qu'à geler. J'ajuste en rimant pour de la fausse, sinon reste Justin. Confond pas avec Justin, l'Éric lourd, c'est ce que Justin. Qu'il y ait juste. Les histoires s'en tirent pas, même de justesse. N'attends pas que j'en soute un pour qu'un billet t'en rajoute un. La soirée te faire jeter pour parmi nous savoir te jeter. Blessé tellement coriace, pas un docteur. Pour un veto, tenter de me crever, tu peux toujours te lever tôt. Le sport et le crayon par où je fais valoir mon droit de veto. Captive ton cerveau là comme un bon Brian de Vito. Pour moi c'est vital, comme ce qu'il y a dans mon futal. Yo, jamais ton énergie branche ton poste, écoute ma voix qui surgit. J'offre au corps, jugement de conscience et psychologie. Accorde tes proches, dis-leur que j'en prends le mal que j'y. Mettrai mon âme et mes strokes, comparer ce qui me place. Ce qui me chasse de boss, de hip-hop, mon royaumologie, ma régie. Fume des poches, je reprends ce qui m'éduque sans pédagogie. J'suis pas de corps, de voix, de talent, c'est de ça qu'il s'agit. J'tape à l'étoffe, MC disparaît comme le mal. Jamais ton énergie branche ton poste, écoute ma voix qui surgit. J'offre au corps, jugement de conscience et psychologie. Accorde tes proches, dis-leur que j'en prends le mal que j'y. Mettrai mon âme et mes strokes pour barrer ce qui me plagie. Chaise de boss, de hip-hop, mon royaumologie, ma régie. Fume des poches, je reprends ce qui m'éduque sans pédagogie. J'suis pas de corps, de voix, de talent, c'est de ça. Allez, je le rappelle, donc une dernière fois, peut-être, qui sait, avant les concerts de ce soir, on est en direct du centre social autogéré, de la Créa, donc la campagne de réquisition d'entraide et d'autogestion toulousaine, campagne de réquisition voilà, qui ouvre des squats pour les gens qui ont nulle part où dormir ou les gens qui n'ont pas envie de faire fonctionner le système de merde, de propriété et de location. Où on perd tous nos sous et après on peut plus vivre. Donc, je rappelle, la campagne de réquisition d'entraide et d'autogestion a ouvert une caisse de fonds. Une caisse de fonds qui est appelée caisse anti-répression. Pourquoi ? Parce que, voilà, on essaye d'aider les copains, de tous mettre un petit peu de sous dans la caisse, d'organiser des soirées pour faire tomber des sous, pour que tous les poteaux qui tombent, qui prennent des amendes, qui ont des avocats à payer, qui ont des frais de justice, pour ceux qui militent, pour ceux qui luttent, pour la liberté, contre tous les centres de rétention, contre toutes les prisons, contre les squads, contre les expulsions des squads, voilà, tous ces frangins là, bah parfois ils prennent cher et parfois c'est nous-mêmes aussi, on passe ça à l'antenne, on le dit haut et fort, parce que quand on essaye juste de trouver un toit, et ben parfois on prend cher, on prend des amendes, on prend du sursis, on prend du ferme. Bref, donc la caisse anti-répression, elle est ouverte. Il faut tous qu'on mette un petit peu de thunes dedans, qu'on vienne aux soirées comme ça, qui sont organisées, parce que c'est convivial aussi, parce qu'on est là pour se rencontrer, pour faire du son ensemble, pour monter des projets ensemble, pour diffuser un petit peu toute cette culture-là et toutes les solutions qui s'ouvrent à nous. Bref, je m'étends pas, le concert de ce soir, donc c'est en soutien à cette caisse anti-répression de la Créa. Ça se passe à Toulouse, on est diffusé en direct sur la radio B-Boy Conscient à Paris. Big up à eux, big up à toute l'équipe là qui est là ici au CSA. Bref, et aussi Canal Sud, Canal Sud diffusé en direct dans la région toulousaine, donc à Toulouse et aux alentours sur le 92.2 FM. On est en direct et le concert de punk de ce soir va commencer demain, soirée hip-hop. Donc je le répète une dernière fois avant que le concert commence. Donc ce soir, on aura tout d'abord Medef in a Babylon. C'est le premier concert qui va commencer dans quelques minutes. Donc du punk de Toulouse. Ensuite, on aura différents groupes qui vont succéder, dont Desperate Faritas, du punk rock de Toulouse aussi. Gaddafi's Brothers, punk rock, Euskadi, donc Pays Basque. Varlin, punk du Pays Basque également. Et puis après, on a DJ toute la soirée. Demain, une grosse journée qui nous attend, puisque dès 14h, il y aura des petites animations de soutien, loto, un tournoi de foot en salle. Et puis après, le plateau radio qui sera en direct sur B-Boy Conscient dans un premier temps. Et ensuite, sur Canal Sud pour les concerts le soir. Un repas prix libre aussi. Toutes les animations, toutes les activités ici sont en prix libre. Donc n'hésitez pas, allez-y, vous venez. Vous n'avez pas beaucoup de thunes, vous lâchez ce que vous pouvez, ce que vous avez. Il y a aussi un bar qui est ouvert, évidemment. Demain soir, la soirée, ce sera donc le plateau déjà. Ce sera tous les acteurs de ces soirées, de cette soirée, de la campagne de réquisition d'entraide et d'autogestion, du centre social autogéré. Et puis tous les gens qui les soutiennent, qui les aident dans ce festival, ils pourront prendre l'antenne dès 16h sur B-Boy Conscient. Et ensuite, des concerts. Et c'est simple, ce sera la chorale, la Canaille du Midi, chorale de chant révolutionnaire de Toulouse. Et puis ensuite, soirée hip-hop avec MC Métis de Lille, avec Ryan MC de Paris, avec Diaz MBS d'Algérie et avec Première Ligne de Paris, avec un sound system demain soir, B-Boy Conscient, qui sera présent jusqu'à 5h du mat. Donc n'hésitez pas à venir, ça se passe au 71 boulevard de la Marquette à Toulouse, métro Canal du Midi. Dimanche, une action à 15h, on aura besoin de monde pour cette action, on n'en dit pas plus à l'antenne pour des raisons de rester tranquille entre nous, de faire nos actions et d'éviter de renseigner tous les connards qui nous mettent des bâtons dans les roues. Donc on refait tourner un petit peu la playlist avant que le concert commence d'ici quelques minutes. On dirait Canal Sud 92.2, B-Boy Conscient, bboyconscient.com. De ma trace de pagne, de ma race qui saigne, de leur loi qui règne, de larmes, de grogne, de hargne, d'ivrogne, de police qui brandissent leurs armes sans vergogne, de crimes, d'intérim, de déprime, de ceux et de celles qui ne riment plus à rien et suppriment. Ceux qui prennent du Roxat, espérant les tranxènes, assimile à 10 000, la roxy, les toxines, de routine, drogue, nicotine, frère qui cantine, père qu'on piétine, famille nombreuse et clandestine, mère qui s'obstine, patron qui vole et baratine, gosse qu'on destine au péton depuis la tétine, de platine, micro-feutrine, de péter les vitrines, de leur doctrine, leur drapeau qui veulent me foutre sur la poitrine, de leur sirène qui s'illumine comme à la fête foraine, de mes migraines que j'élimine à grands coups de cachet d'aspirine, de ma haine, de l'insigne, d'esquiver leurs consignes quand ils machinent dans mes tours, et c'est ma mort qu'ils signent, de cramer leurs enseignes, des mensonges qu'ils m'enseignent, et de Paname qui baigne dans la panique quand les lumières s'éteignent, et d'éteignent qui veulent le fric de l'avenue Montaigne, ne craignent que dalle, encore moins qu'une balle les atteigne, de mon hymne, mon âme, mon patronyme, ma flamme, mon patrimoine, mes problèmes, mon emblème et mes blâmes, de leur programme, leur forum et référendum, des dilemmes et drames, de milliers de millions de femmes et d'hommes, de mes œdèmes, mis en garde, mis en bière et en berne, de mise en accusation. Yes, en direct du CSA, comme j'expliquais il y a quelques secondes, le concert de punk est en train tout juste de commencer. Ça fait quelques secondes seulement. Petite soirée. Allez, j'ouvre ça et puis on écoute ça. Medef in a Babylon. Woo! So in love with the right. I'm so in the fuck to lose. Woo! Take me back to where I'm from. I can never tell it all wrong. Here you go. I don't want to fall. I'm so in love with the right. I'm so in Oh, Conchita est une pornostar, une pornostar de laboratoire. Conchita est une pornostar, pornostar de laboratoire. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Merci. Vieux con avant l'âge. Une chanson de soufflette. Je ne peux plus attendre d'atteindre le troisième âge pour me payer le luxe de faire le voyage. Et j'irai faire le tour du monde au moins trois fois avant ma tombe. J'ai croisé en enfer le luxe des affaires. Toujours le savoir. La chanson suivante est une chanson en grec qui s'intitule Catalepsie, qui veut dire squat. Vous pouvez demander à Théo comment ça marche les squats en grec. La réquisition. Posez que todo le dé à ton victoire, à ton organisé et pour la poésie. Ahora y casi me catanastasi, ahora et tema no man catalepe, catalepe, catalepe, catalepe. de la rosée au grand défendre. Enfin, un, deux, trois, que t'es ta mère au bureau de l'extérieur château. Diront jamais respectable, que pas dire sauvage, sans être des propres badoyants. Stop! Stop! Stop! Il fait chaud là. Hey! Chanson suivante. Je le rappelle. Est une chanson en CSA, chinois. De Toulouse. Ni des Cheng Tai Sushi sous sa main. Ça veut dire quelle est ton empreinte écologique? Radio, radio web radio parisien. C'est juste une interrogation. Sur Canal Sud à Toulouse, 92.2. Sur ce qu'on peut faire. Go, go, go! Merci. Ça caille. La chanson suivante, c'est « Être ou ne pas être Charlie ». Enfin, ça, c'était, on s'était dit que c'était pas mal comme titre de chanson. Sinon, c'est aussi « Garde à vue » ou « Garde à vous ». Ou « Garde » tout simplement. Garde à vue ou garde à vous. Garde à vous ou garde fou. Garde toi ou garde vous. Garde toi ou garde tout. Garde. Garde. Garde. Garde. Garde. Garde à vue ou garde à vous. Garde feu ou garde fou. Garde toi ou garde vous. Garde toi ou garde tout. Garde fille, garde rien, garde tout et garde ça. Garde froid, garde nain, garde loup et garde ça. Garde fille, garde rien, garde tout et garde rien. Garde tout, garde froid, garde lit et garde. Garde fille, garde rien, garde loup et garde ça. Garde tout, garde froid, garde tout et garde ça. Garde lion, garde loup, garde fille et garde loup. Garde tigre. Garde à tous les gardiens. Garde à vue ou garde à vous. Garde feu ou garde fou. Garde toi ou garde fou. Garde toi ou garde tout. Garde. Garde. Garde. Garde. Garde. Garde. Garde à vue ou garde à vous. Garde feu ou garde fou. Garde moi ou garde vous. Garde rien ou garde tout. Garde si, garde rien, garde tout et garde rien. Garde quoi, garde pas, garde si et garde là. Garde si, garde rien, garde tout et garde rien. Garde fille, garde fou, garde tout et garde là. Garde loup, garde bien, garde tout et garde. Garde saut, garde tout, garde tout et garde là. Garde fille, garde froid, garde loup et garde. Garde fille, garde. Garde à tous les gardiens. Merci. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hein. Et comme on est toujours sur l'ambiance binaire, la chanson suivante, on l'appelle aussi oui ou non, mais en fait, c'est l'idéologie du choix. À savoir qu'on nous demande toujours de choisir pour un côté et pour l'autre, parce que les barricades n'ont toujours que deux côtés. Ça s'appelle l'idéologie du choix. La chanson suivante, Nazismus, ein Gesang über Antifaschismus. Yes, je le rappelle, on est en direct du CSA à la Créa à Toulouse, 92.2 FM sur Canal Sud, bboyconscient.com sur B-Boy Conscient, web radio parisienne. En ce moment, Medef, Ina Babylone, concert punk ce soir au CSA, 71 boulevard de la Marquette. j'aurai que ça ouais. La dépôle de ville va se déterminer. La dépolen wie die Wanzen, ja! Ja, danke sehr! Il y a 10 secondes après. Ouais, mais je sais, merci. Il y a 10 secondes de décalage. Il marche mon micro? Ça, c'est 10 secondes après. Tu vois, regarde. Hein? Ouais? Ouais? Ok, super. Donc, je disais... On reprend les 10 secondes merci. Après. Merci. Non, mais c'est bon. Voilà une... Non, j'enregistre pas, c'est vraiment une cover de Shocking Victim. C'est 10 secondes. Une chanson qui s'appelle War Story. Mais non, vas-y, vas-y. Non, mais je vais y aller. Oh, mais je vais y aller. Oh, ouais, t'inquiète pas, ouais, y'a pas de soucis. Je te le dis de façon régulière, ce qu'il faut gagner c'est la guerre à la guerre. Ça vient jouer dans les mains du pouvoir, obéir à l'armée, où est notre gloire? On t'a utilisé pour la domination, où est l'honneur d'être abomination? Je ne vois pas de gloire dans la guerre et cette histoire. C'est maintenant à toi de brûler et mourir très fort. Toute ta vie aurait été pareille, le destin développé ou être dégonflé. T'as bien joué dans les mains du pouvoir. Où est le nanana, où est notre gloire? T'as utilisé pour la domination. Où est l'honneur d'être abomination? Je ne vois pas de toi dans la guerre et ses histoires. C'est maintenant à toi de brûler et mourir. Victoire, c'est maintenant à toi de voler et mourir très mal. Flash. Merci. Non, j'ai pas ça. Mais moi, j'ai un appareil avec une carte SD. Désolé, hein. Mais du coup, on n'aura même pas les images. De... Ben ouais, mais on n'aura pas, on n'avait pas tout le monde. C'est dommage. Ouais, vas-y, c'est pas grave. Je vais pas mettre de photos. On fera ça demain. Tant pis pour les punks. Non. Merci. Une reprise des Tox. Non, je donnerai tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Une reprise des Tox. Super gentil, merci. Allez, pour Théo, à tous les bypunks. I'm gonna die. une énumération du DSM ou de la folie, c'est la chanson suivante. Plein de soupçons et méfiants, je manque de confiance dans un monde malveillant. Obsessionnel, compulsif et ordonné, prisonnier de ma conduite, je dois tout perfectionner. Disant, il connaît une émotion, seuls sont vrais amis, je n'aime pas les relations. Disant, des filles, rapides de croyances magiques, son monde imaginaire me fait paraître à son mec. Antisocial, je ne serai jamais conforme. Mon mépris des autres rend agressif hors norme. Et à limite, mes relations sont instables. Enfant ou adulte, je j'annule ou idéal. Car ici, je suis de votre attention. Remarquez-moi, je suis d'exagération. Ici, unique, je suis un être social. Je n'aime qu'à moi, tellement je suis admirable. Cependant, vous me trouveriez volant. Je ne suis pas autonome, soumis à votre jugement. Quelle folie se guette dans ce monde qui t'aliène. Quelle folie se guette dans ce monde qui t'aliène. Quelle folie se guette dans ce monde qui t'aliène. Quelle folie se guette dans ce monde qui t'aliène. Yes, je le rappelle, on est sur, on est au CSA, au Centre Social Autogéré de la Créa, à Toulouse, rediffusé en direct sur Canal Sud 92.2 et sur bboyconscient.com, web radio, web radio parisienne, pardon. On est à la soirée de soutien à la caisse anti-répression de la Créa, la campagne de réquisition d'entraide et d'autogestion de Toulouse. Ce soir, il y a une soirée punk ici à la Créa en soutien à cette caisse. Demain, il y a une soirée hip-hop, pareil, en soutien à cette caisse. Et toute la journée, on aura un plateau radio sur place ici en direct depuis la Créa qui sera rediffusé sur B-Boy Conscient à partir de 21h sur Canal Sud à Toulouse au 92.2 sur la bande FM. Et on aura l'occasion de parler demain après-midi, toute l'après-midi, sur qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le milieu squat à Toulouse. Et voilà, et ce soir, c'est le concert de punk avec Medef. j'ai oublié. Medef in a Babylon. Et toute la soirée punk ici à la Créa. Des crêtes à Matabion, des crêtes sur les bateaux, des crêtes plein sous les ponts, des crêtes à Montreux, des rasés à Saint-Michel, des rasés dans les ruelles, des rasés dans les rues, où la bière coule toujours à l'allée. C'est punk. We'll be right back. Merci pour les bières. Interview là. Chris apparemment. On s'achemine lentement vers la fin. Chanson suivante a aussi 15 ans d'existence ma foi. Faut faire un truc là. On ressort les vieilles recettes qui marchent. Pour l'instant il y a toujours un président aux États-Unis. À l'époque c'était George Bush. Avant lui c'était son père. Et bientôt, ça sera Jeff Bush, donc la chanson sera toujours d'actualité. Donc ça s'appelle Boucherie. Contre les minorités, on nous a machine à tuer. Ça me regarde tout peloton, le choix des exécutions. États-Unis d'Amérique, tu oublies l'humanité. On est bien en l'an 2000. Et toi pouvoir maîtriser. Un bowling derrière l'heure. Attends. Non merci pour lui. Au practica. Ouais, même lui quand il mixe en général, c'est des trucs un peu longs. Et il faut en rire. Ça dépend, des fois il va faire des. Il y a au fin fond du champ Tibérie un vilain sorcier qui facilement peut créer des fantômes électeurs ignorants et venus qui votent faire pour la mairie de Paris. Il y a au fin fond du champ Tibérie un faux guérisseur qui dans la tradition peut créer sur leur emploi de fiction pour les mafiosi. Dans l'annonce, on s'est trompé, hein. Finalement, c'était Jean Tibéri, mais... Donc, Yes, en direct du CSA. Ça ne doit pas être pensé dans les temps. Non, non, non, d'être Jean Tibéri. Non, non, non, non, non, ça ne doit pas être facile tous les jours. Non, non, non, d'être Jean Tibéri. Non, il y a un propos du genre du guéri, un vilain sorti, même si on peut créer des croix sur les lecteurs ignorants et donner qui va demain pour le mérite de Paris. Il y a un propos du genre du guéri, un progrès sorti dans la façon qu'on peut créer sur nos emplois, les fictions pour les mafieux. Non, Il y a beaucoup du corps de guérir, un pauvre avion, un peu simple du cri, un bizarre que qui attend de l'esprit, on traîne, on devient monter sur lui. Il y a au parfum du corps de guérir, une fois j'ai envie d'y accéder, une fois de battre, une fois la balle de bière, retourner dans le bizarre, une fois de pierre. Ça ne doit pas être inventé, sur le côté. Non, non, non, d'être gens libérés. Non, non, non, non, non, ça ne doit pas être passé, sur le côté. Non, non, non, d'être gens libérés. Non, non, non, non. Attaquer, insulter, salir, vilipender, calomnier, sans relâche, sans trêve et sans cesse. Chasser, trop gros, ma vie publique, ma vie privée, ont été brouillés de fond en comble parmi dizaines de traiteurs. Des babouillons, des menteurs, champion le communiste. Ça ne doit pas être inventé dans les connards. Non, non, c'est un grand généré. Non, non, non, non, non, ça ne doit pas être passé tous les jours. Non, non, non, d'être gens délirés. Non, non, non, non, non, ça ne doit pas être passé tous les jours. Non, non, non, d'être gens libérés. Merci. On va terminer avec une reprise des Dead Kennedys. Après viendra les Desperate Faritas, après Gaddafi's Brother et puis Varlin qui nous viennent directement du Pays Basque. Et s'en suivra un DJ qui va nous faire danser toute la nuit. Donc, soyez attentifs. Find time to exercise in uniform with the white stripes. All dreaming moonlight in a burner when I'm quite a world with us. One guy is in a front of sight. All my big guns die. Never mind, oh no. Give the ghost a smoke, the light that I fit that we're taking up. What does it mean up on the side? And all the sisters on the rock, another one is up. What does it mean up on the side? All my big cat night, spending time on the between myself, do not go step on any bones. I turn around and I go home. I flip back to my paper dump, break out of the door, on the low. Step in my water, skeleton, all my bitch are dying. Spending my mother. Well, always there and all over the world. Oh, oh, oh, oh. There was always there and all over the world. Oh, oh, oh. There was always there and all over. Merci beaucoup. Merci Thomas, merci Patrick pour le son, pour l'installation et pour tout. Et merci la Créa pour organiser ce magnifique festival en espérant que la caisse anti-répression qui malheureusement je crois va bientôt marcher à plein pot à cause de ces putains de lois antiterroristes qu'on essaye de nous faire passer par tous les moyens. Voilà, et merci à vous. Patriote un jour, patriote toujours. Voilà. Je répète, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Canal Sud, bienvenue sur B-Boy Conscient si vous nous rejoignez. Et effectivement, ce soir, un plateau un peu exceptionnel. On est au centre social autogéré de la Créa. Centre social autogéré de la Créa, donc la Créa, la campagne de réquisition, d'entraide et d'autogestion à Toulouse. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, c'est 71 boulevard de la Marquette, métro Canal du Midi, pardon. Donc, je disais, diffusé sur B-Boy Conscient et sur Canal Sud, une soirée un peu spéciale avec des concerts ce soir, donc ce soir une soirée punk Et demain, une soirée hip-hop, le tout forme un festival avec d'autres activités demain dans la journée. Un festival, pourquoi ? Ben, en soutien à la caisse anti-répression de la Créa. Caisse anti-répression, voilà, on est dans des temps qui sont difficiles, autant pour les squatteurs, autant pour les gens qui sont dans la rue, autant pour tous les gens qui galèrent. Et il y a besoin de soutien financier aussi, c'est pour ça qu'on fait des festivals, c'est pour ça qu'il y a une caisse qui existe et qu'on essaie de faire vivre tout ça pour essayer, bah voilà, de payer un petit peu les amendes des copains qui sont enfermés, qui subissent la répression tous les jours. Donc cette caisse, elle existe, et pour la soutenir, bah, le festival de la Créa est là. On est avec les potes de B-Boy Conscient qui joueront demain soir, et puis tout le réseau sera là aussi avec notamment des groupes donc de Paris, d'Alger, de Lille il me semble aussi, et voilà, donc le direct est en place. Le plateau aura plutôt lieu demain dans l'après-midi sur bboyconscient.com, web radio parisienne avec laquelle on monte ce plateau, et on animera tous les interviews demain des artistes, des militants, des gens qui vivent ici à la Créa, parce que c'est aussi un lieu d'habitation, et de tous les gens qui soutiennent la cause. Donc demain, je le répète, à partir de 16h sur bboyconscient.com, et puis les concerts seront en direct sur Canal Sud également à Toulouse, puisque la Créa se situe à Toulouse. Donc à Toulouse demain, ce sera la rediffusion des concerts en direct à partir de 21h sur Canal Sud 92.2 FM. Donc là, on est en mode changement de plateau dans la Créa. Donc les prochains groupes vont s'installer. Apparemment, il y a un petit peu de retard, tout ça. Donc on va passer un petit peu de musique en attendant. On va passer une petite playlist hip-hop comme on aime bien. Et là, tout de suite, c'est Lourdeur de Swift Gad avec Zoxea. Cours, si t'as peur de prendre des coups, vas-y cours. J'ai coup de... Tu peux devenir sourd. Normal, le son est lourd, ça vient des tours. J'ai dit lourd. Viens pas jouer dans notre cours. Si t'as peur de prendre des coups, vas-y cours. J'ai coup de... Tu peux devenir sourd, normal le front est lourd, ça me détourne. J'ai déposé la basine, je vais leur faire gober la pastille. Et puis un jour peut-être qu'on verra mon rap à l'opéra Bastille. Ils ont faussé la partie, et mon gros c'est pas facile. Et pour mon flow c'est le procès à cause d'une beauté assassine. Et puis jusqu'à la racine, on est pourri vu TF1. Je sais qu'ils veulent buter les miens, on nous voit pas sur TF1. Alors posté dans mon coin, j'ai préféré fumer des ouinges. Le son est chaud et dramatique, c'est parce que je me remue les ménages. Je me suis trop tué les reins, d'après ce que disent les psys. Le rappeur est dyslexique et provoque des épilepsies. Un parfum d'épidémie. Dans l'air que les petits respirent, la rue est trash et pleine de tox comme une soirée chez Britney Spears. T'inquiète pas, on vise les cimes avec des liasses aussi. C'est des vandales, c'est des cassos, des bras cassés qui s'associent. Nous on aime balancer la sauce, voir passer les carrosseries. C'est l'école de la grosse cime, si tu crois pas, j'ai une asoxie. Viens pas jouer dans notre cours, si t'as peur de prendre des coups, vas-y cours. J'ai coup de... Tu peux devenir sourd, normal le son est lourd, ça vient des tours. J'ai dit lourd de... Viens pas jouer dans notre cours, si t'as peur de prendre des coups, vas-y cours. Lâche les coups de... Tu peux devenir sourd, normal le son est lourd, ça fait des tours. Porsche Cayenne, Audi R8, signe pas là. Si dans le contrat y'a pas une des trois, signe pas là. Je la vie en grand, rien n'importe ce qui me daraque. Fais le content que bon, je sais qui me baraque. Petite baraque, piscine et un jacuzzi. Une petite calage, ainsi que 2-3 Uzi, Kuzi. Je le pense, un peu comme Kaiser Soze. Normal, je dis les choses que les rappeurs n'ont jamais osé. Ma force, j'écris tout dans la tête, in the head. Mon flow de négro, ma douce bled, flow explose. Et quand je m'expose, mon talent répond aux questions que tous les mecs posent. Du genre, je sais qu'il est toujours aussi fort, toujours hardcore. Qu'il est toujours le meilleur rappeur, pas encore mort. Évidemment que oui, demande la suite, que de la lourdeur. C'est le début, attends la suite. Lourdeur, viens pas jouer dans notre cours. Si t'as peur de prendre des coups, vas-y cours. Lâche les coups, tu peux devenir court. Normal le son est lourd, ça fait des tours. J'ai dit lourd, viens pas jouer dans notre cours. Si t'as peur de prendre des coups, vas-y cours. Lâche les coups, tu peux devenir sourd, normal le son est lourd, ça fait des tours. La voix du gars et des spotlights, mais pas celui de Carla Bruni. Je me souviens bien quand les profs disaient que j'étais v'là l'abruti. Y'en a qui tapent dans la rue, y'en a qui chaffrave à l'usine. Et si on bicrave de la fume, c'est pour que Marianne hallucine. Les groupies s'agglutinent, moi je rappe et j'articule. Je suis un zéro dans leur calcul, placé juste après la virgule. Fais tourner la lourdeur et puis guette comment ça circule. Je suis celui qui rappe sur tout terrain, en hiver comme en canicule. Attitude malhonnête, des clichés, mon rap s'en fout. Avec du shit dans la chaussette, comme à l'époque des 400 coups. Dans la rue on apprend tout.

Ok, mon gars, faut se bagarrer, y'a bien trop d'escrocs à Paris, loin des vieux cabarets. Mon son résonne pour les gros gabarits, j'veux tout m'accaparer. Il paraît que j'ai fait des tas de craries, y'a pas d'égalité. Entre du bon Georges et comme t'es pas carré, j'suis tenté par la rue. Aussi kamikaze, capeur, l'arbre, enclenche le compte à rebours. J'démarre fort et donne du fil à retordre. Un style hardcore, toujours à court, on nous file au carrefour pour faire péter les scores. Avec quoi c'est vis à tous les carrefours. On court partout, car ici la ruse est nécessaire. Ma crise est sponsorisée par cette LM ou SFR. Député des mégères ou bien des plaisirs éphémères. On claque, on sprint à la fin de compte en banque, prend des raclés sévères. Sud 4 prend le mic et dans l'attaque, on veut pas le plus éclair. Assez vénère, y'a trop d'arnaques, on est pro comme Black et Decker. On veut capter le décor, quitte à bafouer les règles, on s'en reste. Allez, je le rappelle une dernière fois, enfin encore une fois en tout cas. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal Sud ou vous êtes sur B-Boy Conscient. Deux radios qui voilà, main dans la main ce soir, partenaires en tout cas sur le festival anti-répression de la Créa. Donc le festival de la Créa, c'est en soutien à la caisse anti-répression. Caisse anti-répression pour soutenir nos frères et sœurs qui prennent des amendes ou qui ont des frais de justice à payer pour le militantisme, pour la cause. Pour essayer de loger tous ceux qui n'ont pas de logement, pour essayer de donner des papiers à tous ceux qui en ont pas, en tout cas pour les prendre si on en veut. Donc ce soir, comme je le disais tout à l'heure, une soirée punk est au programme. Là pour l'instant on est dans la pause musicale entre deux groupes. Donc Medef in a Babylon, tout à l'heure est passé, c'était en première partie. Ensuite on a d'autres groupes qui vont suivre. Alors je les ai pas sous les yeux là, je peux pas vous les annoncer. D'ici quelques secondes peut-être. En tout cas vous entendez la playlist vite fait qui tourne derrière. Depuis tout à l'heure, Swift Gad, du bon son, du 9-3 de Montreuil très précisément. Si vous connaissez pas, je vous recommande Swift Gad. On va monter un peu le son. J'ai des temps modernes, DND. Qui t'en est pour ça? Le microphone, mon épée. L'escalibur, on va le bélier. Prise en apport et l'arme. Voilà, petit mot pour dire que ce soir, donc, là, il y a Medef in a Babylon qui a joué à un groupe de punk de Toulouse. Ensuite, on aura du Varlin, du punk héroïste du Pays Basque. On aura Gaddafist Brothers, du Pays Basque également, des punks. Et voilà, avec un petit set tout à l'heure pour finir la soirée tranquillement, un set DJ. Demain, pour soutenir la créa et sa caisse anti-répression, un loto, donc avec des petits lots à gagner, tout ça. Un tournoi de foot en salle, une bouffe à prix libre. Et ensuite, une soirée hip-hop qui commencera tout d'abord par la chorale révolutionnaire toulousaine, la Canaille du Midi. Et puis ensuite, voilà les MC qui vont représenter le rap parisien, le rap algérien. Donc première ligne, Ryan MC de Paris, Diaz MBS de Alger. Et voilà, avec DJ Akier, toute la soirée de B-Boy Conscient représente la web radio sur les ondes et à Toulouse 92.2 via Canal Sud, Canal Sud FM, radio libre toute l'année. B-Boy Conscient, pareil, radio consciente toute l'année sur bboyconscient.com. Merci à eux. Et on revient tout à l'heure avec la suite du concert en live, en direct même, depuis la créa. Et pour l'instant c'est le changement de plateau, donc on vous laisse avec la playlist. Flow me sert d'appât. Malgré le succès, j'ai qu'un seul gosse qui m'appelle papa. Et qui en est pour ça? Gagner, sortir du béton, faire du blé. Représenter, lâcher des productions. Bootleg, mon crew, une bête, des vrais gars. Un gang, mes familles, ma destinée. Pas dans la vida. J'y crois comme personne, sacrifie ma vie. Le micro, j'ai choisi. Jurer, fidélité, foi, honneur, espèce, cosa nuestra. Battle 3, fight. On est pour ça, donner de la valeur à tout ce que je touche, mon ardeur. Hypnotiser le peuple, l'emmener dans un véritable bonheur. Une sorte de lueur pour contrôler les humeurs. C'est révélateur, au floral.

soir je m'envole vers un monde excitant. Je ne sais pas pourquoi, ni même ce qu'il me prend. Mais ce soir je m'envole vers un monde excitant. Réchauffe un peu ce soir. Mais tant mieux parce que nous. Intervention technique. Hein? Non, attends. Intervention. d'abord le jour où je voulais me calmer sur mes nerfs. Elle est trop vite car demain il sera peut-être trop tard. Mais si je te voyais tous les soirs, je surferais sur les brancards. Que c'est carnivore, que c'est carnivore, oh, oh, oh, oh. Que c'est carnivore, que c'est carnivore, oh oh oh. Que c'est carnivore, que c'est carnivore, oh oh oh. Que c'est carnivore, que c'est carnivore, oh oh oh. Je sais que tu n'es pas avant que les déchets à voir. Comme ma vie s'enfonce dans le désespoir. J'ai d'autres amis, des choses à faire et plein de trucs à voir. Mais comme le soir, si je vois cette gloire, je sors mieux de bar en bar. Que c'est carnivore, que c'est carnivore, oh oh oh. Que c'est carnivore, que c'est carnivore, oh oh oh. Que c'est carnivore, que c'est carnivore, oh oh oh. Que c'est carnivore, que c'est carnivore, oh oh oh. Tu seras mon traquenard. Et même quand tout baigne, mais que tu n'es pas là, y'a pas un air qui tienne. Et je hurle tôt ou tard. Que c'est carnivore, que c'est carnivore, oh oh oh. Que c'est carnivore, que c'est carnivore, oh oh oh. Que c'est carnivore, que c'est carnivore, oh oh oh. Que c'est carnivore, que c'est carnivore, oh oh oh. Pour les Simone, celle-là. Un peu de pop, pop unitaire. Alors, ceci est un tube. Comme tous les jours, tard du matin encore chez moi. Comme tous les jours, mais pas le temps de prendre café. Comme tous les jours, ma vie, quand on s'affrontait. Comme tous les jours, arrivé à 8h53. À peine installé à mon poste de travail. Les yeux ultra cernés et ma grande bouche qui baille. Que me raconte ma soirée. Vidéo que tu as l'œil. Deux spéciaux s'envoyer sur le fond des banlieues poubelles. Je m'assieds sur mon poney. Je ne suis pas fonctionnaire. Je n'arrive toujours pas à justifier la mini au cœur de mon salaire. Comment vais-je faire pour payer mais 650 euros par mois. Toujours pas facile d'admirer dans nos têtes de mort et de croix. Devant mon écran plasma sur lequel j'ai pu contempler la rencontre nationale du plus grand jeu de balle au pied. Je suis pour les couleurs, évidemment, de mon pays. Même si celle des joueurs n'en est pas trop à l'effigie. C'est mon seul centre d'intérêt, sinon pas de mieux dans la vie. Et quand que je pense à poser mes congés l'été aussi. Pour ma semaine à Cap Ferré, que j'ai réservé il y a 6 mois. À 500 euros d'effet, une affaire qui ne se discute pas. Comme tous les jours, il tarde du matin encore chez moi. Comme tous les jours, mais pas le temps de prendre un café. Comme tous les jours, ma fille qu'attend s'affronter. Comme tous les jours, arrivé à 8h53. Comme tous les jours, il tarde du matin encore chez moi. C'est le week-end, je vais pouvoir enfin profiter de mes efforts de la semaine et qui me mon corps manipulé. Police Corps Club du quartier, je reste toute la nuit. Les bimbos pour assurer, en est une au moins dans mon lit. Les bimbos pour assurer, en est une au moins dans mon lit. Les bimbos pour assurer, en est une au moins dans mon lit. Les bimbos pour assurer, en est une au moins dans mon lit. Merci. Pas mal de jouer avec des esquimaux. Bon, je sais pas s'il y a du monde dans la salle, on ne vous voit pas en fait. Par contre, s'il y a de la lumière, on vous verrait un peu mieux là, si vous vous approchez un petit peu. La lumière parce qu'il n'y a pas d'ombre. Hein ? La lumière parce qu'il n'y a pas d'ombre, tu vois ? Bon, ah, voilà. Ah, lui on le voit, bravo. Un scénographie pour le monsieur. Let's go, les gens. Ils sont pas très pros. Je serai, je vais plus, j'ai trouvé comment genre de taré. J'ai peur, ils sont méchants mais pas, ouais, j'ai peur, alors je tire dans le tas, sans perdre dans la vie là, ça me ressemble pas, et quand nous sommes d'otages, je pas pour être au tas, ouais. Tous sur les mitrailles, on était comme des bazars. Encore un tout dernier. Let's go to blues. avec ton regard noir, on veut tes mains aussi deux. Ton rire dans tes larmes, sur tes formes si charnelles. Tu m'attends jusqu'au soir, même obscur, tu es la plus belle. Ma vie avec toi ne serait-ce qu'une chimère, entre nos contacts sans frontières. Moi c'est ton sourire que j'ai toujours espéré, le salut ici qui me fait rêver. Après quelques heures passées dans les quartiers, seul face au bonheur, ravi de te retrouver. Même pour un seul instant avec toi tout partagé, ça n'arrive pas souvent, faut bien savoir en profiter. Ma vie avec toi ne serait-ce qu'une chimère, entre nos contacts sans frontières. Moi c'est ton sourire que j'ai toujours espéré, le seul ici qui me fait rêver. À ce que tu puisses ainsi revenir à ta liberté, sans vouloir me faire souffrir avec tes armes verbales. Je n'ai toujours rien compris à tes tirs sur mes larmes. Ma vie avec toi ne serait-ce qu'une chimère, entre nos contacts sans frontières. Moi c'est ton sourire que j'ai toujours espéré, le seul ici qui me fait rêver. Mes désirs planent pour toi dans ta petite vie. Pas de place pour moi, je ne peux plus te séduire. Je n'ai plus le choix, je ne peux plus contenir. Représente-moi, ma vie avec toi n'aurait été qu'une galère. Entre nos contacts sans frontières, où est le seul sourire que tu m'as laissé n'est autre que celui du plombier. Une spéciale dédicace au MLF, une vieille reprise des potasses chronotes. On parle de bouffe, de gorgonzola, de bio-GM. Des couleurs jus de tomate, en récurant des blagues. Dans tes orteils des milliards de champignons, avec l'ambiance et plantations. Avec cuillère et métal à la poubelle, sans parler action avec ça. Ouais, et ben nous, on s'en fout parce qu'on mange de tout. Mais quand même, un petit vrai, une bonne vache vivant, on est en servir au bleu. Puis c'est bon, c'est doux, c'est frais, c'est ce qu'on aime, c'est gorgonzola. Y'en a d'autres qui pas mieux, ce bourg de bio-GM. Et ceux qui mangent pas d'eux, l'avortement, le poule, pose problème. Y'a pas le temps, on bouffe n'importe quoi. Ça, ceci, c'est le souci. La politique dans ton assiette, maintenant c'est ça. Partout, c'est à la porte. du près, une bonne vachette, du bon lait comme ça, du bon bleu. Ça pue, c'est bon, c'est doux, c'est frais, c'est ce qu'on aime, c'est le Gorgonzola. Une bonne vache et du bon lait quand ça vire au bleu. Ça pue, c'est bon, c'est doux, c'est frais. C'est ce qu'on aime, c'est le Gorgonzola. Nous ce qu'on aime, c'est le Gorgonzola. Nous ce qu'on aime. Mais c'est quoi? Mais c'est le Gorgonzola. De la merde. Et c'est cool qu'un lieu comme ça puisse exister. Continuez la lutte, car la lutte paie. C'est Jean-François Copé qui a dit ça. We'll be right back. Salut. À poil, ok. Il y a encore Jean et Roger que je suis pris en Basilicate. En réunion, je pourrais avancer les matricules pour contrarier. La fin de moi, salon difficile, et tout le chiffre repart sur moi. Oui, je croise les doigts pour une seule fois pouvoir dormir tranquille. Atelier.